喝了吗？ 嗯嗯。 Vous écoutez Chérine Couture sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Bienvenue à cette première émission de Chérine Couture pour l'année 2010. Mon nom est Sophie Laforêt et je suis heureuse de revenir sur les ondes pour une quatrième session consécutive. Comme vous pouvez le constater, l'émission est désormais sur une nouvelle plage horaire, soit le lundi de 13h à 15h, et elle sera en rediffusion les mardis de 17h à 19h, donc un bloc de 2h maintenant pour Chérie mes coups dessus, et ce, à ma plus grande joie. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours consulter le blog de l'émission pour avoir accès aux feuilles de route et balado diffusion d'émissions antérieures. Donc l'adresse est la suivante, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com. Et aujourd'hui, à travers les pièces au style musicaux variés comme à l'habitude qui seront présentées, j'ai l'intention de vous faire découvrir ou redécouvrir la disparue de l'année 2010, soit Madame Lassa Desella, qui nous a quittés le 1er janvier dernier à l'âge de 37 ans suite à un combat contre le cancer du sein. Donc, envie de lui rendre un certain hommage aujourd'hui. Et si vous avez suivi l'actualité musicale la semaine dernière, vous aviez probablement pris connaissance du cabotinage qui a été réalisé par un animateur de Québec, donc un animateur radio. J'ai pas envie de commenter l'affaire, je vais vous laisser le bon soin de vous faire une idée là-dessus. Donc, pour les intéressés, seulement entrez Louis Lacroix avec Lassa et vous trouverez toute cette merveilleuse saga. De mon côté, j'ai envie de vous faire découvrir ou redécouvrir cet artiste qui a peut-être manqué de visibilité au courant de sa carrière. Donc malheureusement, on en a appris beaucoup sur cet artiste à cause de sa mort. Donc on va tout de suite entendre une première pièce de cet artiste, donc tirée de son troisième et dernier album, la pièce Rising, donc de Madame Lassa Desella. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie mes coups de pied sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. I got caught in the storm and carried away. I got turned around. I got caught in storm. That's what happened to me. So I didn't call, and you didn't see me for a while. I was rising up. I Just D'entendre Émilie Simon avec la pièce « Graines d'étoiles » de son premier album éponyme paru en février 2003. Artiste française qui fait dans l'électro-pop, trip-hop, et maintenant, elle habite maintenant à New York, en fait, elle a déménagé de la France pour aller aux États-Unis. Et puis, son quatrième album entièrement en anglais, un excellent album qu'elle a sorti en 2009. Avant, on avait Charlotte Gainsbourg avec la pièce « Le chat des artistes ». Le chat du Café des artistes, pardon, de son troisième album IRM, paru le 8 décembre dernier. Et donc, Charlotte Gainsbourg, qui est, je dois le rappeler, la fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Et ce troisième album a été réalisé par Beck. Et c'est d'ailleurs lui qui a écrit toutes les chansons de l'album, excepté celles qu'on vient d'entendre, qui, vous l'aurez peut-être reconnu, est écrite en fait par Jean-Pierre Ferland, excellente reprise de cette pièce, et Charlotte Gainsbourg, qui devait faire un premier spectacle à Montréal le 28 janvier prochain. Donc, en fait, elle va toujours faire un premier spectacle, mais ce ne sera pas le 28 janvier. On a appris ce matin dans le journal La Presse que la date doit être reportée en raison d'un conflit d'horaire. Donc, c'est à voir, et c'est un spectacle qui va avoir lieu à l'Olympia de Montréal, une salle exceptionnelle que j'adore, et c'est complet. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de me procurer des billets, mais là, avec le changement de date, je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui vont devoir se faire rembourser, parce que c'est possible, alors là, peut-être que ce sera ma chance et votre chance aussi, qui sait, de vous procurer des billets pour Charlotte Gainsbourg, qui fait un premier spectacle en carrière à Montréal. Et au début de notre bloc, on avait Lassa Desella avec la pièce Rising, tirée de son troisième et dernier album éponyme, donc s'intitule Lassa tout simplement, qui est paru le 20 avril 2009. Et donc, au courant de l'émission d'aujourd'hui, on va entendre quelques pièces de cette auteure-compositrice-interprète d'origine américano-mexicaine, qui est décédée le 1er janvier à l'âge de 37 ans. Donc, un départ plus que prématuré pour cette excellente artiste qui, malheureusement, n'a pas été assez connue. Et elle devait lancer en automne dernier une tournée plutôt internationale qu'elle a dû annuler en raison de ses problèmes de santé. Donc, les deux dernières prestations qu'elle a données ont eu lieu en Islande en mai dernier. Donc, on en apprendra davantage sur Lassa Desella au courant de cette émission. Donc, restez à l'écoute si ça vous intéresse. Et on va retourner en musique avec un duo suédois que j'adore, donc The Knife, avec un nouvel extrait d'un album à venir. Donc, on va entendre cette pièce d'une durée d'environ 10 minutes et on en reparlera au retour. Et je vous rappelle que vous êtes à l'émission Chérie m'écoute-tu en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. De retour à l'émission Chérie m'écoute-tu en compagnie de Sophie Laforêt jusqu'à 15h aujourd'hui. Et donc avant la publicité, on a entendu une pièce tirée d'un album de la formation The Knife, qui est plutôt une collaboration qu'ils ont fait avec deux artistes allemands, soit Matt Sims et Janine Rostron. Donc, deux artistes de musique expérimentale. Et c'est tiré de l'album Tomorrow in a Year, qui est en fait un opéra inspiré par la vie de Charles Darwin, qui va sortir le 1er mars prochain. Donc, ça faisait un moment déjà qu'on n'entendait plus parler de ce duo-là. Et donc, moi, j'avais entendu qu'il avait fait justement cette collaboration-là pour un opéra. qui est joué notamment en Grèce, en Suède, en Angleterre. C'est pas un opéra qui semble vouloir traverser de l'autre côté, donc venir en Amérique. Mais bon, qui sait, on sait jamais. Peut-être que ça se fera plus tard, chose que j'aimerais bien. Et donc, The Knife qui est réuni en espérant qu'ils vont poursuivre avec d'autres albums dans le futur, chose qui était plutôt incertaine suite à une entrevue que j'ai lue avec Fever Ray, ou plutôt Karine Dreyer, qui est une des membres de ce duo électronique suédois. Et donc, je vous invite à poursuivre cette émission avec une deuxième pièce de Lasse Desella, artiste qui nous a quittés le 1er janvier dernier. Et la pièce qu'on va entendre cette fois-ci est tirée de son premier album, qui est paru en 1997, qui s'appelle La Llorona. Et l'ensemble des pièces figurant sur cet album-là était chanté en espagnol. Et c'est un album qui, selon Yves Bernard, journaliste du Devoir, est décrit comme étant un album qui a changé le visage de la chanson immigrante au Québec, puisque pour la première fois, une artiste d'ici s'exprimait dans une autre langue que l'anglais ou le français. Et c'est un album qui s'est vendu à plus d'un demi-million d'exemplaires à travers le monde, chose qui est tout à fait notable pour cet artiste. Et donc, on va entendre cette pièce-là sans tarder. Et ensuite, on va avoir Mickey 3D et Mano Solo, dont je parlerai après ce bloc qui nous a quittés, lui, hier, le 10 janvier, donc à la suite de problèmes de santé liés au sida. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on va entendre la pièce Los Peces de Lasse Desella à l'émission Chérimé Coutu en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89 FM. Peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Adiós San José, antes que el niño naciera. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los llena del romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Depuis 10 ans, c'est fou dans vos oreilles. 89.1. Les gens raisonnables se lèvent toujours à l'heure. Ils n'oublient jamais leur cartable. Font bien gaffe de rien abîmer. Ils mettent toujours une ou deux pièces de plus dans les horodateurs. Alors ça énerve les autres qui les traitent souvent de pédés. Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie. Ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Les gens raisonnables ne font jamais comme bon leur semble. Ils ne traitent personne de minable, ne s'agacent pas dans leur voiture. Et si jamais quelqu'un les blâme, même s'ils savent qu'ils ont raison, pour ne pas risquer l'incartade, ils s'excusent ou bien ils s'en vont. Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie. Ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Se prennent la tête des mauvais jours et des années insupportables passées à se faire oublier. Ils font toujours tout dans les règles et quand les règles sont injustes, ils frappent du poing sur la table et se rassoient pour se calmer. Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie. Ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Les gens raisonnables ont plein de doutes, trop de soucis, donc moins de souvenirs dans leur sac à la fin de leur vie. M'empêcher d'y croire quand la nuit sonne ses derniers coups. J'irai jusqu'au bout, j'aurais voulu, j'aurais voulu, j'aurais voulu, j'aurais voulu. Oh, quelque chose de bien, j'aurais voulu. Oh, que tu me dises bien, j'aurais voulu, j'aurais voulu, j'aurais voulu. Oh, debout sur le trottoir comme chaque soir. Je te raconte l'histoire des larmes de rue dans les bars qui puent, les regards moisis et les corps meurtris. Allô Paris, tout est fini. Et putain, je suis fatigué. J'aurais voulu, j'aurais voulu, j'aurais voulu. J'aurais voulu que tu me dises bien. J'aurais voulu, j'aurais voulu, j'aurais voulu. Oh, oh. Hey. Allô Paris, tout est fini, tu m'as tout pris. Même l'envie, mais tu ne te souviens plus de rien. Tu oublies un peu plus chaque matin et ta mémoire coule le long des trottoirs. Oh, en noyant mon désir dérisoire. J'aurais voulu quelque chose de bien. J'aurais voulu que tu me dises bien. J'aurais voulu, j'aurais voulu, j'aurais voulu. Allô Paris, c'est fini, tout est foutu. J'aurais voulu. C'était Mano Solo avec la pièce Allô Paris de son premier album La Marmaille Nue, qui est paru en 1993 et qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, ce qui est pas peu dire pour un premier album. Et c'est un artiste, ou plutôt un auteur, compositeur, interprète français qui nous a quittés hier. Donc, c'est un artiste que j'aimais bien. Et pour moi, cette chanson-là est un incontournable, probablement une de ses pièces les plus connues. Et c'est une pièce qui jouait beaucoup à l'époque de mon cégep à Joliette, donc où j'ai dansé et hurlé sur cette chanson-là dans un bar qui s'appelait L'Artichaut, qui n'existe plus à présent. Et donc, Mano Solo, qui était atteint du sida depuis presque 25 ans, qui a succombé à plusieurs anévrismes. Il était hospitalisé depuis le 12 novembre dernier suite à un spectacle qu'il a livré à l'Olympia de Paris. Et donc, il est décédé hier matin à l'âge de 46 ans et il nous aura légué cet album studio. Donc, un artiste notable qui nous a quittés le 10 janvier, donc hier, en plus du départ de Lassa de Sella le 1er janvier. Je n'ai pas besoin de dire que c'est un début d'année assez difficile du côté de la musique. Ceci étant dit, je vous rappelle que vous pouvez consulter le blog de l'émission pour connaître la feuille de route d'aujourd'hui ou lors d'émissions antérieures, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com, et vous pourrez lire là-dessus des critiques de spectacles, de disques, des anecdotes musicales et j'en passe. Donc, avis aux intéressés. Et on va se tourner en musique du côté francophone. Avec une pièce d'un artiste que je découvre, c'est une pièce qui est disponible en téléchargement gratuit sur son site, soit Antoine Corriveau sur les ondes de C'est fou 89 FM. Oh, il semblerait qu'on ait un petit problème technique, je vais y remédier tout de suite. Donc, on reprend ça avec Antoine Corriveau avec la pièce « Distance usuelle » d'un album à venir. Décidément, ça fonctionne pas, donc on va mettre autre chose, c'est pas plus grave que ça. Peut-être que je peux vous parler d'Antoine Corriveau pendant que je règle ce problème-là. J'ai eu la chance de le voir au bar Le Charlot l'année dernière, et il était en compagnie notamment d'Émilie Proulx, qui est une auteure-compositrice-interprète québécoise qui joue de la basse dans son groupe. Et donc, c'était vraiment un excellent spectacle. À ce moment-là, j'avais eu la chance de me procurer un de ses mini-albums qui s'appelle « Ni vu, ni connu ». Et donc, il y en a deux à son actif à présent. Et avant de vous en parler davantage, j'ai réglé le problème. On va aller l'écouter. Et ah, voilà, ça fonctionne toujours avec Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou, 89 FM. Garde le silence, je n'ai pas envie de t'entendre. Garde tes distances, je n'ai pas envie de reprendre le combat où je l'ai laissé dans mon ancien appartement. Il y a des marques sur le plancher, des traces qui ont figé longtemps. Je ne veux pas revivre ça, en arriver à détester tous les gens tout autour de moi. Je ne veux pas me répéter, j'ai autre chose à faire des nuits que de les passer éveillés, en croyant qu'ils m'ont menti, que c'est eux qui m'ont saboté. Des abordages et des naufrages, mais sur la mer je dois filer, ne pas me laisser dériver. Les esprits sont un peu trop faibles et les guerres un peu trop faciles à déclencher. Dans la distance il n'y aura rien, pas d'espace à remplir du tien, juste une zone un peu tranquille pour laisser visiter les miens. Et l'horizon arrivera bien, et l'horizon arrivera bien, et l'horizon, et l'horizon arrivera bien. serrés. Les restes dorés de l'amour couvraient le sol depuis des jours, comme si les brumes d'un mauvais rêve s'accrochaient à tes pieds. Quand la noirceur n'en finit plus de s'étirer. Monsieur Mono avec la pièce « Ciel de pluie » de son deuxième album « Petite musique de pluie ». Et c'est le projet solo d'Éric Goulet, qui est également chanteur de la formation « Les chiens ». Avant ça, on avait la formation « Carquois » avec la pièce « L'épaule froide » de leur deuxième album « Les tremblements s'immobilisent », qui est paru en 2005. Et il y a présentement 10 dates de spectacles prévues au Québec. Vous pouvez consulter leur MySpace, soit le myspace.com / Carquois, tout simplement. Et avant, on avait Antoine Corriveau avec la pièce « Distance usuelle » qui va probablement se retrouver sur un album qui est à venir. Et c'est une pièce qui est disponible gratuitement en téléchargement sur son site Internet, soit antoinecorriveau.com. Et également Antoine Corriveau qui est BDiste et illustrateur, donc un très beau site Internet à consulter. Il y a deux portions, soit la portion qui est dédié à sa carrière de musicien et d'auteur-compositeur-interprète, et l'autre portion qui est dédiée à, en fait, sa carrière d'illustrateur et de BDiste. Et donc, c'est un auteur-compositeur-interprète, et il y a présentement deux mini-albums à son actif. Le premier qui s'appelle « Entre quatre murs » et le deuxième qui se nomme « Ni vu ni connu ». Les deux sont parus en 2008 et 2009 respectivement. Donc, probablement un album complet à venir pour Antoine Corriveau. Et on va se quitter le temps d'une courte pause, et au retour, on revient avec un bloc anglophone et francophone, tout ça à l'émission Chérimi Coutu sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Vous écoutez C'est Fou 89.1. Don't be so jealous of the L'artiste canadien de Montréal, Sam Roberts, avec la pièce Paranoia de son deuxième album We Were Born in a Flame, qui est paru en 2003. Et c'est un artiste qui a gagné plusieurs prix au courant de sa carrière, notamment avec l'album qu'on vient d'entendre au Juno, donc qui sont des remises de prix canadiennes, donc célébration de la musique. Il a reçu l'album de l'année, album rock de l'année et artiste de l'année pour cet album-là. Et son premier album The Human de Inhuman Condition, pardon, a été un des disques indépendants ayant vendu le plus d'exemplaires. Ça, c'est du côté du Canada. Et avant, on avait Dumas avec la pièce Capitale du Monde de son quatrième album Trace, qui est en fait son quatrième album régulier, parce que ceux qui ont suivi Dumas cette année ont peut-être remarqué qu'il a sorti quatre albums, en fait, quatre mini-albums, si on veut, ou des albums dans un projet connexe, soit Nord, Rouge, L'autre bout du monde et Demain. Et donc, ce quatrième album-là, Trace, a été créé et ficelé à partir des meilleurs morceaux qui se retrouvaient sur ces quatre mini-albums-là. Donc, sur l'album Trace, on retrouve justement des versions revisitées qui sont beaucoup plus travaillées et on a ajouté souvent des cuivres et des instruments classiques aux versions qui étaient sur ces quatre mini-albums-là. Donc, c'est très intéressant. Moi, j'ai apprécié beaucoup les premières écoutes que j'ai faites de ce disque-là. Et avant, on avait Bibio qui est un producteur de musique britannique, donc de son vrai nom, Stephen Wilkinson, qui a fait paraître 3 albums complets en 2009. La pièce qu'on a entendue s'appelait Jealous of Roses, qui se retrouve sur l'album Ambivalence Avenue, qui est le 4e album paru en 2009, et c'est le premier album qui est apparu sur l'étiquette Warp Records. Donc avant ça, cet artiste-là était indépendant. Et donc une grande année, et les 3 albums qu'il a fait paraître sont dans ce style-là, donc on mise beaucoup plus sur l'ambiance musicale qui est créée que sur les paroles, donc il y a peu de texte, mais vraiment beaucoup plus d'importance qui est laissée à la musique. Moi, ça me plaît bien. Donc avant de poursuivre en musique, juste vous rappeler, donc comme je l'ai mentionné en début d'émission, qu'on va entendre encore là, d'ici la fin de l'émission, des pièces de Lassa Desela et de Mano Solo. J'allais dire Manu Chao, mais c'est pas le bon nom. Donc Mano Solo et Lassa Desela qui nous ont quittés depuis le début de l'année 2010, donc 2 grands noms de la musique. Et vous pouvez consulter le blog de l'émission, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com pour avoir accès aux feuilles de route des émissions antérieures et de l'émission d'aujourd'hui. Donc, quelques temps après l'émission, je pourrais mettre ça en ligne et vous aurez accès donc aux titres des pièces qui ont joué les artistes ainsi que de quels albums ces pièces-là sont tirées. Donc, vous pourrez retrouver vos coups de cœur donc, que vous avez entendus aujourd'hui ou lors d'émissions antérieures. On va se tourner du côté anglophone tout d'abord avec un nouvel artiste, donc Freddy Sipo, qui est un artiste californien et qui fait dans la musique anglophone, mais avec une petite tendance plus mélodramatique, si on veut. On va entendre la pièce « In Skin » tirée de son premier album « Year of the White Rose ». Je vous rappelle que vous êtes à l'émission « Chérie, m'écoutes-tu » en compagnie de Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Walking through mid-tending shadows. Everything I build is breaking c'était le trio britannique Muse avec la pièce Muscle Museum, tirée de leur premier album paru en 1999, soit l'album Showbiz. Et Muse, c'est une formation que j'ai beaucoup aimée pour leurs premiers albums, je dirais les trois premiers. Donc, ça apportait vraiment quelque chose de nouveau. Là, présentement, ils ont cinq albums à leur actif. Et je vous dirais que depuis les deux derniers, j'ai un peu décroché. Les dernières écoutes que j'avais faites de leur album, c'est comme si j'avais l'impression qu'ils nous apportaient rien de nouveau. Mais malgré tout, si vous connaissez pas cette formation, c'est une très bonne formation à découvrir. Et excellente formation à voir en spectacle. Je les avais vus en avril 2004 au défunt Spectrum de Montréal. Puis ça avait vraiment été un bon spectacle. Et ils ont quand même gagné en popularité puisqu'ils seront au Centre Bell le 10 mars prochain. Je ne saurais vous dire s'il reste des billets, mais à vous de faire vos recherches. Et donc, leur cinquième et plus récent album, Resistance, est paru en septembre 2009. Avant ça, on avait la formation Indie Pop Rock de Montréal, The Stills, avec la pièce Everything I Build de leur troisième album, Ocean Will Rise, qui est paru en août 2008. Excellente formation aussi, qui était notamment de la programmation du dernier festival Oshiaga au Parc Jean-Drapeau de Montréal. Et avant, on avait l'artiste californien Freddy Cipo, qui est sous le nom d'artiste Cipo simplement, avec le titre In Skin, tiré de l'album Year of the White Rose. Et si vous avez aimé la pièce, sachez que son album est gratuit en téléchargement sur son MySpace, soit le www.myspace.com/Cipo Music, donc S-I-P-O et Music, M-U-S-I-C, bien sûr, puisque c'est en anglais. Et il fait donc dans l'indie acousmatique, mélodramatique. Donc, je trouvais notamment que sa voix ressemblait à celle du chanteur de la formation The Steel, et le style de Cipo pouvait s'apparenter à la formation Muse. C'est pourquoi je les ai mis suivant cet extrait. Et il réalise également ses pochettes de disques, que je trouve bien jolies. Donc, vous pouvez aller regardez ça, tout ça grâce au fabuleux monde d'Internet. Et oui, aujourd'hui, tout est possible. Et on va se quitter le temps d'une courte pause et au retour, on revient avec de la bonne musique francophone du Québec sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. C'est fou, comme un balai. C'était la formation Vanesse Parietard avec la pièce Ta dépendance, d'un album à paraître qui est toujours sans nom et sans date. Et cependant, je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger leur premier album qui est disponible gratuitement au vanessepariétard.com. Excellent premier album de cette nouvelle formation sur la scène locale québécoise ou montréalaise, appelez-la comme vous voulez. Et avant, on avait Antoine Graton avec la pièce 500 000 milles d'un album qui s'appelle Le problème avec Antoine, qui est paru en 2009. Et là, c'est très drôle parce que mon collègue Nicolas Ducharme, qui anime l'inconduite de partie, émission sportive sur les ondes de C'est fou, est entré en studio tout à l'heure, alors que j'étais très concentrée, d'ailleurs, sans trop que je m'en rende compte. Il m'a fait faire le saut. Et ce qu'il me disait quand il est entré en studio, c'est qu'hier, il y avait le gala célébration, je crois, de l'Auto-Québec, chose que je n'ai pas regardée. J'écoute rarement la télévision. Et paraîtrait-il, au dire de Nicolas, que Antoine Graton était là accompagné de stars comme Marie-Mé et autres. Mais peut-on le rendre coupable de vouloir manger, m'a dit Nicolas. J'ai trouvé ça très drôle. Donc, Antoine Graton qui était finalement à ce gala-là hier soir. Donc, à vous de vous faire une tête là-dessus. Et sinon, dans un autre ordre d'idées, il sera de la programmation de Joliette en chanson, un festival qui aura lieu à partir du 22 janvier jusqu'au 5 février environ. Il faudrait vérifier les dates, mais en fait, Antoine Graton va être à la salle Roland Brunel le 5 février prochain. Et en même temps, je vous mentionne qu'il y a un forfait qui s'appelle le forfait ridicule. Donc, vous pouvez pour 37$ vous procurer 7 billets de spectacle. Il y a entre autres Mara Tremblay, Madame Moustache, Antoine Graton, Beast, Xavier Caféine. Et là, j'en oublie deux. En fait, là, il y a vraiment 7 spectacles. J'y reviendrai dans une émission future. Mais donc, faites vos recherches. Donc, 7 spectacles pour 37$ seulement. C'est peu coûteux, pauvres étudiants que nous sommes. Donc, l'émission va s'achever bientôt, mais avant de se quitter, je vais vous laisser avec deux courts blocs. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, je voulais rendre un certain hommage à Lassa Desela et s'est ajouté Mano Solo hier qui nous a quittés. Et on va entendre tout d'abord un bloc anglophone, donc une pièce de Lassa Desela tirée de son deuxième album de Living Road. On va entendre la pièce Small Song et ensuite on va entendre une pièce qu'elle a fait en duo avec Patrick Watson, tiré du dernier album de Patrick Watson, Wooden Arms, et il s'agira de la pièce titre donc du même nom. On va entendre tout de suite Small Song sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so my song is so, so small. I could get down and crawl, searching from wall to wall, and never see anything at all. How could you hurt such a small could you hate such a small song? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small song. swallowed me into a thousand dreams and held me close, my woolen eyes that weep just like a willow tree. On vient d'entendre la pièce Wooden Arms d'un duo composé de Patrick Watson et Lassa Desela, et la pièce est tirée d'un album qui s'appelle Wooden Arms, le dernier album de Patrick Watson. Et tout juste avant, on avait la pièce Small Song de Lassa Desela tirée de son deuxième album The Living Road, album qui a notamment été classé troisième dans le palmarès des meilleurs albums musique du monde de la décennie par le journal Times en Angleterre. Donc une autre marque qui nous prouve que c'était une artiste de grand talent, malgré le fait qu'elle n'a peut-être pas eu la place qu'elle méritait dans l'espace médiatique durant sa carrière. Et malheureusement, sa mort a fait qu'on en a parlé beaucoup et que certains ont même pensé qu'elle était inconnue. Parenthèse ici. Donc, on va écouter encore deux dernières pièces avant de se quitter. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute de Chérie m'écoute-tu. Tout juste après l'émission, ce sera Assemblage requis pour ceux qui nous écoutent en direct. Et donc, Mathieu et Kiwan vous attendent avec une excellente émission, comme à l'habitude, de 15h à 17h. Et donc, pour les deux dernières pièces qu'on va entendre, on va entendre une pièce francophone tirée toujours du deuxième album de Living Road de Lassa Desela, la pièce La Confession. Et on va entendre par la suite la pièce Je suis venue vous voir de Mano Solo, tirée de son album Je sais pas trop, qui est un album qui a été enregistré devant public en 1997. Sur la version que j'ai, c'est pas un duo, mais en fait, on peut entendre Joran sur cette version-là, donc au violoncelle. Et Mano Solo, je vous le rappelle, qui est un auteur, compositeur, interprète français engagé qui nous a quittés là hier à l'âge de 46 ans. Donc, il était atteint du sida depuis maintenant 25 ans. Donc, il a rendu l'âme suite à des troubles de santé liés à cette maladie. Donc, on va entendre tout de suite La Confession et ensuite Je suis venue vous voir sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Et c'est Sophie Laforêt qui vous souhaite une excellente fin de journée. Thank you. pas peur de dire que je t'ai trahi. Par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable. C'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûr de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché. J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûr de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Personne, ça vaut mieux comme ça. Je savais pas trop quoi vous dire. Croyez pas que je vous abandonne, même si encore une fois je vous laisse le pire. Les larmes qu'on verse sur la mort d'un homme. Adieu mes amis, je me serais bien battu encore. Adieu mes amours, priez pour moi. Toi que j'aime, que j'ai aimé, compagnon d'un jour ou d'une année. Déjà tu sais que dans mon cœur même moi j'y flotte encore. Violence et tendresse, mon existence ne tient pas qu'à ma graisse. Je suis esprit avant d'être un corps. Je suis mort mais rien n'est fini. Il reste à ma voix et bien peu d'écrit. Oh, j'avais surtout une grande gueule pour chanter des chansons d'amour. Mes amis, ne pleurez pas. combat continue sans moi. Tant que quelqu'un écoutera ma voix, je serai vivant dans votre monde à la con. Avec du sang plein les orbites et même du plastique sur la bite, je vais sûrement être calé à l'examen du grand sage, mais j'en profiterai quand même pour lui dire ce que j'en pense de l'existence. Cette engeance, et s'il ne voit pas que je suis un ange, alors qu'il change de boulot. Et s'il veut, moi je prends sa place. Il y aura des filles et de la ganja, des passions sans limite. Nous nous battrons des ailes et nous volerons bourrés. Nous mangerons des pommes envenimées et nous cracherons le mal comme un pépin. Nous serons sincères comme jamais et nous serons beaux pour ça. Je suis venu vous voir avant de partir. Il y a des personnes, ça vaut mieux comme ça. Je savais pas trop quoi vous dire. Croyez pas que je vous abandonne. Encore une fois, je vous laisse le pire. Je vous laisse le pire. Les larmes qu'on verse sur la mort.